Tu l'as plaqué pour un prince charmant, grand musclé, gros bolide allemand, cultivé, riche et élégant. Il avait les pédigrés d'un super amant, l'homme parfait, l'homme rêvé. Il avait tout ce que l'autre n'avait pas. Il t'offrait du LV. T'as tout fait pour qu'un jour il te mette la bague au doigt. Mais dès qu'il a eu son premier soir, il est parti comme un ninja. Grande brune gaulue comme une Rihanna, robe moulante, prof de Zumba. Au lit, elle t'a fait croire que t'avais 20 ans. Ta femme parfaite, t'en rêvais. Elle avait tout ce que l'autre n'avait pas. Tu offrais du Dolce. T'as tout fait pour qu'un jour tu lui mettes la bague au doigt. Toi. Mais dès qu'elle a vidé ta vie, za, elle est partie comme un ninja. En amour, rien n'est parfait. Tu envoies tous tes regrets à ton ex en espérant le revoir. Voir. Ton message est resté en nous un soir, 5 soirs, 10 soirs. Car il est parti comme un ninja.